Bon, on dirait que ça fonctionne là. OK, bon. Là, des fois, j'ai de la misère à. Ça va tellement vite, il y a tellement de monde que j'ai de la misère à tout lire. Donc, si c'était possible, là, s'il y a quelque chose de vraiment intéressant, pertinent. Donc, bon. Mais là, il manque du monde. Et je vois qu'il y en a qui. Bon. Donc oui, dernièrement, il y a eu des choses assez un petit peu déplaisantes. Carole, bonjour. Bonjour, Marie-Jeanne. Donc, bon, c'est sûr, ces temps-ci, quand je suis confronté à certaines choses, là, je retombe dans des petites colères. Puis moi, ces temps-ci, je repense pas mal à Giordano Bruno, là. C'est vraiment épouvantable. Des fois, on se demande, c'est qui est inspiré par le démon, hein? Faire des affaires de même, comme ils ont fait à lui, parce qu'il avait dit qu'il y avait d'autres soleils, puis que la Terre tournait. Bon, hein? Puis qu'il osait parler de Plotin d'Alexandrie. Tu parles d'un monstre, tu parles d'un monstre. Bon matin, bonjour. Marie, Jeanne, Marie-Ève, Roselyne, Cindy, bonjour. Ah, c'est la première fois que je vous vois, je crois. Claudinée, ah, Carole, bonjour. Faut dire que ça brasse, ouais. Ouais. Oui, il y a beaucoup d'activités en ce moment. Puis, bon, c'est parce qu'il s'en vient possiblement des choses. Donc, c'est un petit peu comme quand vous donnez une pichenette, là, la tension qui s'accumule avant le. Bon, ça ressemble un petit peu à ça. Je le vois comme ça, un peu. Ben, je le sens comme ça. Donc, bon, on ne sait jamais comment ça va. Hey, bon matin, l'oiseau moqueur. On ne sait jamais comment ça va retourner. Puis là, des fois, ouais, je retombe dans des petites mémoires, là. Mes petites colères à moi. Bonjour, Max, Jacinthe. Hier, bon, des fois, j'étais un petit peu. Hier, j'ai fait une petite vidéo assez vite. Puis j'ai mis une image. C'est sûr, c'est un site, je repense à ça. Et c'est quoi vraiment, dans le fond, le mal? Dans le fond, là, je parle de qu'est-ce qui inspire quoi? Puis bon, bonjour de l'Alberta, bonjour Louise. Le pointeux. Bon, belle heureuse, ah, bon matin. Donc, bon, Giordano Bruno, c'est quelqu'un qui était réellement en avance sur son temps. Puis, ça est devenu un martyr. Un martyr de la conscience, on peut dire. Puis, ils n'ont jamais eu de retour là-dessus. Ils se sont jamais excusés d'avoir fait ça. C'est vraiment épouvantable. Notamment, il s'était intéressé à la physique, puis démontrait, c'est ça, je pense qu'on ne lui a jamais pardonné, entre autres. Il démontrait. Donc, oui, l'attention au monde, je me fais sauter des coches. Tout le monde est nerveux. Moi, c'est pas si pire, je parle dans ma vie de tous les jours, là. Tout est tranquille. Bonjour, vous savez ton surnom, Bertel, quelle est l'origine et l'histoire de ce prénom? Oh, je n'ai pas envie de parler de ça. Moi, j'intervenais dans un forum autour de 2011-2012. Puis c'était le pseudo que j'avais pris. Jamais la consonance. Discussion du jour, explosion chimique, ovni omniprésent. La vie est belle, moi. Moi, je ne sais pas, là. Mais prenez Giordano Bruno, une des choses qui était reprochée, il avait osé dire que la Terre tournait. Puis là, eux autres, ils disaient. Ah, ma prochaine vidéo va être creepy. Besoin d'évacuer. OK, ouais, mais bon. Par rapport à ce que tu voulais faire pour plus tard, c'est mieux de ne pas y aller trop fort. Là. Dans le sens que, bon, ce serait plate là, que ça ne se fasse pas, l'entrevue que tu voulais faire. Est-ce que le popcorn est prêt pour le 24? Non, ben, de toute façon, j'en mange pas de ça. Il y a du monde qui avait rétorqué à Guardano Bono que si on jette un boulet de canon du haut d'un arbre, il tombe droit. Donc, que ça démontrait que la Terre tourne pas, puis bon. Lui, ce qu'il a fait, il est allé sur un bateau avec une grosse pierre, puis il est monté dans un mât où il a fait monter quelqu'un, je connais pas trop les détails, Puis quand le bateau était à plusieurs nœuds, là, ça allait vite. Ils ont lâché la pierre, puis la pierre est tombée droite, même si le bateau est en mouvement. Donc, bon, ça fait penser un peu aux expériences de physique de Galilée aussi, là, qui faisait des expériences semblables, puis qui démontraient que certaines choses n'étaient pas réelles. Dans le fond, il est là le problème. Donc, bon, l'irrationnel puis l'irréel va se défendre beaucoup. Hein? Bon, puis là, finalement, moi, je trouve ça quand même intéressant. Je pense que c'est surtout ce qui n'a pas été pardonné. C'est en plus d'avoir démontré des choses, entre autres, s'être intéressé à la mnémotechnique. C'était, bon, d'avoir rejeté une certaine forme d'idolâtrie. Lui, les problèmes ont commencé quand il a sorti des images de sa cellule, là. Puis il a dit, bon, est-ce que le popcorn va? L'oiseau, mais il faut pas crier comme Joe, moi. Ben oui, il y en a une qui me disait, il crie après pour lui dire d'arrêter de crier. On ne savait pas ce qu'elle m'a sorti, elle aussi. Elle m'a dit que j'avais le mandat de convertir les catholiques au christianisme. Là, je comprends que c'est de l'humour, là. Mais non, là, wow, là, un instant. Mais t'es au courant des deux humanités? Ouais, ben là, ça. C'est sûr qu'il y a, il y a on pourrait en parler, mais c'est parce que ça devient des sujets. Ça dépend, là, de quoi on parle. Les pré-adamiques et la Nouvelle Alliance. OK, moi, ça, oui, là. Non, je pensais que tu parlais d'autre chose. Dans le sens que, ouais, il y aurait deux humanités, une d'esclaves qui est tenue dans l'ignorance, puis une autre humanité qui a accès à de la technologie que vous et moi, on n'a pas accès. Ah, le chat, le maudit chat. Ah, bonjour, Trinity. Donc, bon, si on regarde Giordano Bruno, on peut se demander qui est inspiré par le démon, ses accusateurs ou lui? Pourquoi c'est devenu un martyr de la conscience? Prenez des cas qu'il y a eu, là, comme en Allemagne, Anneliese Michel. Moi, je considère sa mère, puis les prêtres qui l'ont tué, tant qu'à moi, comme aussi possédé, là. C'est n'importe quoi, là. C'est comme il y a un cas au Mexique, là, ils ont tué une petite fille en lui sortant les intestins par le vagin pendant une sorte d'exorcisme. Puis moi, je considère que c'est l'entourage qui était possédé. Bon. Donc, entre autres, c'est des affaires des fois. Bon, parler de ça. Hey, vas-tu l'avoir la paix un jour? Vers toi, de laisser entrer le petit gris. Je veux pas. Je veux qu'ils apprennent à me laisser tranquille des fois, quand c'est le temps. Puis bon, bonjour Camille. Puis je suis pas pour tout le temps l'avoir sur moi, là. Mais je deviens. Moi, j'en voulais pas, hein, tchou. Mais bon, bonjour Laurence. Le petit gris. Ben oui, petit gris. Faut que je l'appelle petit gris. C'est pas référence à rien. Mais bon. L'autre, je l'avais appelé Petit Bum. Mais ça, c'est en référence à Yolande Ouellette. Les chats ont le sens du spectacle. Moins parce que des fois, il mâche le pouce parce qu'il vient, il m'entend parler. Il m'entend parler, puis bon. Moi aussi, j'ai un chat qui s'appelle Tigri. Bon. Ben oui, il y en a beaucoup. Hein. Au moins, bon, ils sont pas trop malsains, les autres. J'adore les chats, mais j'en veux plus, non plus, même si j'ai Lulu depuis 10 ans. Ouais, ben c'est quand qui. Bon, la dernière fois, à un moment donné, j'ai vécu avec. On avait deux Siamois. Puis quand je me suis séparé, ça a été vraiment difficile parce que je m'ennuyais tellement des chats. Je m'ennuyais tellement d'eux autres que, bon, j'allais les voir en cachette. Là, bon. Je devrais peut-être pas dire ça publiquement, là. Mais bon, j'ai un certain talent là, pour les serrures, ces affaires-là. Puis bon, je devrais pas parler de ça. Vous allez dire quoi par rapport aux deux humanités avant que j'ai fait mention des pré-adamiques? Ben, c'est ça. C'est que il y aurait toujours eu deux humanités. Une masse de gens qui sont restés. Bon. Puis ce qu'on pourrait appeler une certaine élite. Ça a tout le temps été comme ça, même par le passé. Donc, mais là, quand je parle d'élite, c'est pas au sens où on l'entend maintenant. Je parle pas de notre élite à notre humanité à nous. Mais bon. Puis bon, c'est pas vraiment intéressant dans le fond. Mais prenons l'affaire les triangles belges. C'est de la technologie, ça. Mais il y a une humanité qui est au courant, puis le reste qui n'est pas au courant. C'est au sens où il y aurait deux humanités. Mais je veux dire, c'est banal, là. Ces choses-là, c'est. Bon, il y a deux humanités, les chats et les cons. Bon, je sais pas, là. Dans certains souterrains, moins. Ouais, là, on tombe dans d'autres choses, là. Mais bon, sur des affaires, j'essaie de pas trop m'intéresser à ça. Dans le sens que. Oh, bonjour, Daniel. Dans le sens que finalement, on finit qu'on tombe dans des dérives. Je veux dire, ce que je peux pas démontrer ou vérifier à un moment donné. C'est pour ça qu'il y a un qui est intéressant, comme je parlais, les phénomènes là, de possession, puis c'est Daniel Ménard, parce que lui, il avait un talent pour débusquer des choses, puis il enregistrait. Parce que là, ben, il y a une gang, eux autres, ils s'étaient donné l'autorité sur ça, mais ils font plus leur job. Ben, Daniel Ménard, lui, il s'est intéressé à ça. Bon. Hein? C'est vrai que les chats voient les entités. Ben, j'ai eu des expériences étranges, là, avec en tout cas, un chat, là, qui voyait clairement des affaires. Même une fois, on l'avait pris en photo. On l'avait pris en photo, il avait une face, là, il était. Bon. Mais. Il semblerait que oui, mais là, vous savez, les entités, de quoi on parle dans le fond? Ça peut être toutes sortes de choses, hein, les. Qui est cou? Ah, je sais pas, t'es coiffé, moi. Ben, je m'imprègne de temps en temps. Ayagara, hein, que c'est quoi? L'oiseau moqueur. Ah, la garta, vous parlez? Moi, j'ai jamais cru à ces affaires-là, vraiment. Le Shambhala, puis la garta, puis c'est quoi ça, un loup? Ben franchement, là, c'est une. Moi, je trouve que c'est une perte d'énergie, là, de commencer. Est-ce que l'humain est fondamentalement monogame? À mes yeux, oui. Mais là, bon, je veux dire, il y a tout le temps eu d'autres affaires, là. Ben, ça va vite, là. Parlant de deux humanités, je vous l'avenais comme étant. Séparant deux types d'humanité, un axé sur le transhumanisme, la technologie, l'autre plus conservatrice, voire axé sur la nature, la survie. Oui, mais c'est déjà comme ça. C'est déjà comme ça. Je m'épeigne de temps en temps. Ben oui, ben, non, pas à Agartha, des tunnels sous les villes de. Ouais, je sais. Ben même ici, il y a tout un réseau en dessous de la ville, mais c'est parce que c'est une ancienne mine. Puis, en tout cas, ça serait compliqué à expliquer, là, mais c'est assez spécial. Mon chat voit clairement des trucs. Ouais, mais là, c'est parce que si vous êtes entouré d'affaires, vous êtes bien inquiétant, dans le sens que le chat, c'est un bon indicateur, des fois, de du monde que, et on dirait, il attire, hein, des choses où ils vont engendrer des choses. Comment est-ce qu'ils appellent ça, eux autres? Vous pouvez, il y en a, ils ont la capacité de densifier des choses. Puis ça va avoir une vie propre après. Puis bon, là, on tombe dans des affaires discutables là, que je désapprouve. Puis je vois pas l'intérêt de s'intéresser à ça, là. Mais bon, ça devient un petit peu de la magie noire faire ça. Si vous créez carrément des formes densifiées, puis après, vous leur donnez des. Comment ils appelaient ça? Des tulpas. Il y en a une que je connaissais, elle faisait ça. Puis elle parlait, de temps en temps, elle parlait. À un moment donné, j'avais dit, je le vois, qu'est-ce que tu fais? Puis ça va mal finir, là. Hein? Dans le fond, là, plus c'est sain, dans le sens sanité, là, puis plus il va y avoir un vide autour. On n'est pas supposé être entouré de toutes sortes de cochonneries, là. Donc, est-ce qu'il faut passer toute sa vie avec une seule personne et aimer une seule personne? C'est impossible. Ben, de toute façon, les circonstances font que c'est pas ça qui arrive souvent. Bon. Hein? Sinon, bon, je serai encore avec les Siamois. Oui, les tunnels de l'Alliance. Ouais, ces affaires-là. Deux humanités, l'homme et le cyborg, moi. Montréal, c'est un gruyère immense. Ils ont construit des bâtiments par-dessus l'ancien. Ben, c'est le cas de toutes les villes, toutes les civilisations, hein, c'est souvent comme ça. Non, non, demande aux électriciens en ville, seuls eux peuvent y aller. Québec et Montréal, c'est des kilomètres de souterrain. Chaque grande ville, c'est normal, bunker de survie. Ouais. Ouais, mais là, il y a eu la guerre froide, puis il y a toutes sortes d'affaires. Mais à Montréal, il y a des affaires, c'est plus vieux que ça encore, là. Alors, l'Esprit Saint ou l'Esprit Saint, ben là, ça devrait aller de pair. Donc, l'humain n'est pas monogame car il ne peut se contenter d'une seule personne. Ben ça, c'est du cas par cas, mais moi, je considère que bon, c'est. Il y a du monde qui sont avec du monde qui sont pas bien, je vous dis. Mais sinon, ils ne regarderaient pas ailleurs. À un moment donné, ça fait partie de l'intégration que l'animalité, on est censé conscientiser ça, là. Ça fait partie de ça. Puis même après des millénaires, on dirait qu'il y en a qui ne sont pas capables. Bon, ben, on a été mal éduqués un petit peu aussi, dans le sens que. On a eu des foyers instables souvent, puis on a, parce qu'il y a une portion de mimétisme là-dedans. Mais il est tout que, il y a bien du monde que ce qu'il pense être l'amour, ben c'est pas l'amour. Donc, bon. Puis là, pendant la Saint-Valentin, on fait énormément la promotion de la polygamie. C'est juste encore des attaques contre la famille, ça. Puis c'est encore anti. C'est une façon d'attaquer l'individu, attaquer la famille. Parce que qu'est-ce qui fait des individus stables? Donc, ben voyons, moi j'ai eu, comme je pense au père de ma mère, il était des fidèles. Il était reconnu pour ça. Puis tout le monde. Bon. Ben voyons, allez, une personne, c'est pas assez. Vous êtes-vous marié? Non. Non. Moi, c'est adultère, concubinage. À mon avis, il y a une différence entre être monogame et être avec une seule personne toute sa vie. Bon, c'est sûr, c'est pas pareil, là. Même quelqu'un qui est monogame de nature, il va à un moment donné, les événements de la vie font que, bon, hein, c'est pas. Oui, mais là, même toute sa vie, avons-nous pas besoin d'explorer? Explorer quoi? Ça a tout été exploré, ça. Regardez les libertins du 17e puis du 18e siècle, là, ils n'ont pas assez exploré, eux autres. Voyons, est-ce que l'humanité est encore à avoir besoin d'expérimenter n'importe quoi? Regardez, là, comme dans les années 60-70, l'amour libre. Trouvez-vous qu'il y a du bon qui est ressorti de ça? Est-ce que ça a fait des individus plus solides? En tout cas, bonjour, bonjour à tous. Quand les deux font des efforts, si ça vaut la peine, tu t'intéresses plus aux autres, voilà. Ta femme devient encore plus belle à tes yeux. Ben oui. Puis, bon, c'est parce qu'il y en a que, dans le fond, sont pas là. Je veux dire, ils la voient pas. Puis bon, ils veulent, il faut, ils vont, ils changent pour un modèle, un autre modèle, plus jeune. Je comprends pas, là. Hey, ça va trop vite, là. Vous pensez quoi des bris des aqueducs chimiques qui est arrivé à plus d'une dizaine d'étonnes à voir? Bon, là, je l'ai perdu parce que ça va trop vite. C'est pour ça que je vous dis, essayez de mettre des affaires si vous pensez que c'est vraiment. Il est arrivé à plus d'une dizaine d'États aux États-Unis, pratiquement en même temps. Pourquoi ils font cela? Ben, parce que justement, il y a une des humanités qui trouve que l'autre, il y en a trop. Puis là, j'en perds, là, je suis désolé. La fidélité à quoi? Quand on sait qu'en astral, tout le monde couche avec tout le monde. Ben oui, mais là, l'astral, c'est pas un exemple, c'est Christ, c'est une des places qu'il faut. Bon, pas envie d'aller là, moi. Dans le sens que c'était quoi, dans le fond, les sabbats, là? Bon, c'est-tu souhaitable, ça? En tout cas, ça existe-tu le partenaire cosmique? Ben, moi, ça, jamais embarqué là-dedans. Jamais embarqué là-dedans. Dans le sens que ça dépend de quoi on parle. Ben, moi, à mes yeux, le couple cosmique, c'est l'âme puis l'esprit. Donc, bon, flamme jumelle, bonjour. Bien le bonjour. Aux échanges, de toute façon, nous sommes menés en fonction de notre programmation pour vivre ou pas vivre des relations de couple sur le plan expérimental. C'est ça. Dans le sens que, bon, ben, le monde, surtout à notre époque, ils font ce qu'ils veulent. Puis, il va falloir qu'ils intègrent leur expérience. Fait que, bon, tout sert. Mais moi, je ne vais pas me mettre à prôner à n'importe quoi, tout simplement, parce que s'il y a moyen d'intégrer sans tomber dans certaines choses, puis de se rendre compte que, mais il y en a, ils n'ont pas le choix expérimentalement de se rendre compte qu'il y a certaines choses, bon. Mais c'est triste des fois d'être rendu vieux, puis de se rendre compte que, bon, finalement, c'était pas. Bonjour à tous dans l'astral, c'est comme des acariens. Quand il y a des amas, les images d'amas de personnes, là, puis bon, il n'est pas plus astral que ça, là. On n'est pas loin de. Ouais. Puis c'est. Moi, les images qui me reviennent, c'est surpeuplé, hein. Oh, c'est dégueulasse. C'est pas intéressant, dans le fond, flamme jumelle, ça, c'est New Age. Moi, ben, deux affaires de même. Comment ça se fait qu'au lieu de se concentrer dans sa vie de tous les jours, à avoir des relations saines avec les autres, tout le monde s'intéresse à des affaires de même. Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Bon, astral, ou astral, moi, il y a même d'autres places, d'autres affaires. Mais bon, c'est pas topologique, au sens où on l'entend d'habitude. Peut-on aimer deux personnes en même temps? Ça dépend quel genre d'amour vous parlez, là. Mais moi, des affaires, je n'ai déjà vu des trios, des affaires de même. Puis c'était du monde un petit peu immature, je trouvais, au niveau psycho-affectif. Puis bon, c'était surtout des amis, hein. Mais on est loin de. En tout cas, mais eux-mêmes, si je regarde, si je repense là, ce qui avait été leur passé, puis ce qu'ils avaient eu comme modèle dans l'enfance, c'était tous des foyers instables, ça engendre des foyers instables. Donc, bon, déjà, il faut s'étendre avec les autres, surtout, oui, s'étendre, j'ai lu s'étendre, toi. Bon. C'est quand que l'on se fait un zoom 20 fromages? Ouais. Mais je sais pas. Mais moi, je zoome. J'avais ouvert un compte pour Sergio Poirier, puis je m'en suis jamais servi, puis je sais même pas comment ça marche. BDM disait que si vous voulez avoir du trouble dans la vie, trouvez votre âme sœur. Il y avait une façon subtile d'avertir le monde que s'intéresser à des affaires là-même. C'est pour ça que je vous dis, c'est des activités de compensation quelque part. C'est-à-dire que il y en a bien que c'est par rapport au fait qu'ils ont des mauvaises expériences, ils n'ont jamais vu c'est quoi un foyer stable, puis ils se garochent dans d'autres choses. Fait que, comme bon, on est mal éduqué. On est mal éduqué. Moi, le premier, je veux dire, si je suis arrivé à certaines conclusions, c'est par moi-même, pas par mimétisme. Donc, la Terre est vide, nous pouvons être 50 milliards, voire 100. Tout dépend de notre manière de vivre. Moi, même juste la surface, là. Donc, tu as zappé ma question. Ouais, ben, ça va trop vite. C'est pour ça que je disais, attends, mettez des choses juste si vous pensez que c'est vraiment nécessaire. Parce que maintenant, ça va trop vite, puis j'ai pas le temps. Donc, puis là, après, là, tout le monde bloque, puis là, finalement, il n'y a plus rien. Bonjour, Lorraine. Donc, non, non, l'affaire. Ça dépend. On dirait qu'il y a de la génétique qui joue là-dedans. Qu'il y a de la génétique. Bon, fait que bon, il y en a que. Tout aussi, ça dépend, on dirait, le niveau de développement psycho-affectif des gens. Puis il y en a comme ils disent, ah, pourquoi on peut explorer, expérimenter. Moi, je trouve ça discutable. Je trouve ça discutable. Pourquoi il y a tout de quoi vraiment à intégrer dans ces expériences-là que pour construire un des foyers stables, je pense pas. Puis il reste que c'est ça, moi, à mes yeux, qui est important. D'un autre côté, c'est pas normal de passer votre vie avec quelqu'un que vous aimez plus. C'est pour ça que c'est une question de discernement. Souvent, on va être porté à aller d'un extrême à l'autre. Mais là, c'est une question de discernement, de juste milieu. C'est comme si le monde, ils sont dans un mode tout ou pantoute. Dans le fond. Vu Halloween 3 sur ton conseil, je ne vois plus l'Irlande de la même façon. Ouais, mais là, c'est pas non plus des ouvrages historiques de référence, là, c'est de la fiction. Mais il reste que, ouais. Mais c'était généralisé, hein, sur Terre, les choses comme ça. Regardez juste en Amérique centrale ce qu'ils faisaient quand c'était le printemps. Puis bon, pour symboliser le grain de maïs qui germe, ils droguaient des enfers aux champignons, puis ils les écorchaient vivants. Bon, c'était généralisé à certaines époques, ces affaires-là. Moi, c'est ça, s'il y a quelque chose que j'ai pas vu. Quelle est la différence entre ce qui est spirituel et ce qui est spiritoïde? Ce qui est spiritoïde, c'est des phénomènes comme des rapts dans les murs, des condensations. Bon. Il peut même avoir des affaires plus. Bon. Ce qui est les spiritoïdes, c'est des phénomènes qu'on peut rattacher à ce qu'on voit dans le spiritisme. Bonne journée à tous. Je dois aller travailler. Je vais écouter le direct en différé. Bon, ben, bonne journée, Franck. Donc, bon courage. Que, oui, s'il vous plaît, avez-vous plus de suggestions de films qui contiennent de l'encryptage? Je m'en ai pas qui me viennent là. J'en ai pas qui me viennent là, mais par après, oui, le pire, c'est qu'il aurait fallu que je me penche là-dessus et que j'y pense. Il y en a eu tellement de conneries. Je veux dire, ben, il reste que ça reste des films, hein? Faut, bon. Mais bon, l'affaire, moi, il y en aurait peut-être d'autres. Mais là, ça dépend de l'encryptage. Sur quoi? À propos de quoi? Il y en a, c'est par rapport à une compréhension de l'histoire. Comme. Comprendre la politique, puis c'est quoi de la vraie corruption, puis tout. Il y a sur le régent Philippe d'Orléans, un film qui avait été fait, là, que la fête commence. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. En tout cas, j'ai plein de livres qui traînent sur ma table, mais depuis une couple de mois, ça me dit de me contenter de la Bible et de la lire avec un pas de recul, sans fascination. Moi, puis même là. Bon, même là, ça dépend tout le temps ce qu'on en fait. C'est pour ça que je vous dis comme Guardano Bruno, moi, à mes yeux, ses accusateurs étaient plus malsains que lui. C'est évident. C'est l'évidence même. C'est pour ça que je vous dis, c'est ça garantit rien, là. Ça, on s'est servi de ce livre-là pour faire tellement de mal. Donc, bon. Pour encryptage, la chaîne américaine Enter the Stars est à jour. Ah, je ne connais pas. Est-ce que tu crois au portail organique? Ça dépend de quoi on parle. C'est ça, là, l'affaire. Là. Puis là, l'affaire croire. Il y a des affaires que j'ai vues, que j'ai senties. Puis même Ménard, c'est pour ça Ménard, il est enregistré. Lui, il y avait du monde des fois dans son bureau, puis il avait un don pour débusquer des choses, puis enregistrait le monde. Puis il faisait parler. Puis là, après, quand il revenait à un état normal, puis qu'il s'en rendait pas compte, il leur faisait écouter. Puis là, le monde était là. C'est pas ma voix, ça. J'ai jamais dit ça. Puis bon. C'est classique, hein, ces phénomènes-là. Merci que la fête commence. Ben, je vous conseille même pas de regarder ça. C'est horrible. Les choses cachées, il vient de faire la vidéo sur la Bible. Ah oui. Ah, je connais pas. Un fil, oui, mais ben, c'est parce qu'après, vous pouvez après vous informer au niveau de ce qu'on sait historiquement sur Philippe d'Orléans, qui est un. Bon, comprendre ça commence où, là, ce qui fait que la France, tranquillement, hein, parce que, en tout cas, tous ces feux et ces pollutions sont bien réels. Oui, ben, ce qui se passe en ce moment, ben, oui, ils sont en train. Moi, j'ai une opinion, c'est une hypothèse par rapport, puis que le monde, c'est arrivé des fois que je lis ça dans des conversations, puis le monde est choqué. Mais je pense que Mégantic, c'est une expérience. Je pense que les Américains ont fait sauter Mégantic, ils en servaient d'un train, puis ils se sont après déchargés sur un bouc émissaire. Je trouve que ça ressemble un petit peu à ça. Mais là, je ne vais pas regarder en profondeur les détails, puis tout, mais après qu'ils fassent une série, puis qu'ils en fassent de la. Moi, je trouve ça louche. Je trouve ça louche. Parce que d'habitude, les choses vraiment importantes, ils vont être portés à faire de la fiction avec. Donc, je me demande si c'est une sorte d'expérience qu'ils ont faite. Puis bon, en tout cas, merci l'oiseau aussi cette semaine. OK, la version biblique du Jardin d'Éden, je n'y crois pas une seconde. Ben ouais, mais là, c'est pas à prendre au sens littéral, de toute façon. Fait que non, faut pas prendre ça au sens littéral, là. C'est quoi le temps de l'innocence? C'est quoi ça? Hein? Bon. Là, ça peut venir intéressant, certains rabbins. Certains. En vous écoutant, il m'est venu de faire une distinction entre les voies spirituelles et le processus de conscientisation. Bon. Parce que l'intégration par des affaires spirituelles, j'en ai jamais vu vraiment. Des fois, le monde même irait s'accrocher pendant. Bon. Mais là, quoi que dans ce milieu-là, là, le supramental, il y a du monde, là, ça fait 40 ans qu'ils sont là-dedans. Ça fait 40 ans qu'ils sont là-dedans. Puis quand ça a commencé, la pandémie, ils ont tous cru ça. Donc, bon, c'est pas garant de rien non plus, hein. C'est le ressenti, t'es pas là. Disons que les portails organiques, ce sont des personnes sur le podium d'influence qui ont différents rôles à jouer et qui sont habitées. Oui, ça, c'est pas supposé être ça, là, le portail, pour différentes raisons. Si vous vous intéressez aux vaudois, au Québec, on est gâtés, on en a pas mal. À Montréal, puis tout. Puis regardez-les, les vaudois. Parce que même quand ils ne sont pas chevauchés, les gens qui sont adeptes de ces choses-là, là, ils ont des tics nerveux. Ils ont... Regardez que ça ressemble au syndrome de Tourette. Moi, ouais. L'oiseau Trinity, Pierre Jovanovitch a aussi et toute une autre hypothèse du bon, ça se peut. Il faut se reposer la question qui a écrit la Bible dans l'intérêt de qui? Ça dépend, là. Parce que, bon, disons que ça a été transmis, puis, mais ce qu'on appelait anciennement, c'est parce que il va tout le temps avoir du monde qui va se sentir missionné pour conserver une certaine mémoire. Puis ça arrive à chaque fin de cycle. Donc, il n'y a pas tout le temps, c'est pas tout le temps par intérêt que des choses ont été écrites. Par intérêt, je parle au sens de l'ego d'un individu ou d'une clique ou d'une organisation. Donc, il y a des choses que ça a été écrit parce qu'il fallait que ce le soit. Que ce soit écrit, puis ça contient quelque chose que, étant donné que au niveau cyclique, il y a des séries, des fois de cataclysmes, des fois, il n'y avait pas d'autre façon de conserver de la mémoire de certaines choses. Puis là, sachant que ce qui vient après, des fois, le mental n'est pas le même tout à fait. Bon, des fois, c'est. En tout cas. Ça serait long, là. Est-ce que le contact avec l'esprit peut provoquer des troubles physiques, comme la glande thyroïde, par exemple? Ben, c'est clair que oui. Ça peut faire des chocs, en tout cas. Puis oui, des fois, le corps, il y en a, c'est par dans leur corps. Puis ils vont intégrer par de la maladie. Bon, moi, je trouve que c'est. On voit ça dans ce genre de phénomène que. Dit autrement, pourquoi n'y a-t-il pas des guerres civiles aux États-Unis? Tout est là pour. Ben, parce que c'est de la démolition contrôlée. Et puis, bon, il va peut-être finir par en avoir. Je veux dire, ils ont eu la guerre civile il n'y a pas si longtemps que ça. Si on regarde la guerre de sécession, ça fait pas si longtemps que ça. Puis prenez Lincoln. Lincoln, il a été avocat à Montréal. Pour En tout cas, Anyway, Ohio devrait se transformer en Ukraine 2.0 pour recevoir de l'aide. L'oiseau moqueur, je sens qu'on nous a bien entubés. Ben, de tout temps. Ouf, nous sommes tous les agents de quelque chose d'invisible. Vous-même, de quelle force êtes-vous là? Je suppose. Ce que je sais juste, moi, c'est que ce qui est important, entre autres, c'est l'intention. L'intention. Donc, à ce niveau-là. Bon. Puis, il reste que je regardais, je réécoutais David Lévesque dernièrement, puis j'y avais écrit en privé, puis j'ai dit, on est plus lucide qu'on était. Beaucoup plus lucide qu'on était. Donc, bon. Moi, j'espère être l'agent de ça. Plus lucide. On nous entube, on nous entubera tant et aussi longtemps que ça sera faisable. Ouais. Mais c'est tout le collectif qui sert à. Bon, que penses-tu du démiurge? C'est des théories gnostiques. Ça fait partie du gnosticisme, là. Qu'est-ce que je pense de ça? Rien. Rien. L'agnosticisme, je suis pas bon. Je suis pas adepte de ces affaires-là, ben. Puis c'est récupéré aujourd'hui, c'est pour ça qu'on nous parle de matrice beaucoup. Puis bon, hein, c'est tout ce qui nous détourne là, du plan. J'aime pas Babassu, ben franchement, là. Mais l'affaire de Démiurge, là. C'est des vieilles choses qui reviennent. En tout cas. Bonjour Sabrina, le missionnaire est contrôlé par l'astral. Dépend de qui vous parlez, mais ça. Ah, des fois, tout est dans le doigt qui pointe. C'est plus que dans ce qui est pointé. Que la TV a fait une vidéo sur les bases américaines. Les Allemands, ils ne sont pas du tout au courant. Les nombres de bases. Moi, ben, les Américains sont tellement partout dans le monde. Je comprends même pas. C'est de la trahison, quelque part, de certains gouvernements, parce que, bon, en tout cas, mais il risque, dès que quelque chose passe à la TV, là, mais que la TV, j'imagine, ça, c'est une chaîne. Bon. Donc, ISO nous détourne. Ben, moi, je suis pas un fan d'ISO, là, mais j'aime pas ça avoir à me prononcer sur les autres que je m'occupe même pas, dans le fond. Mais c'est du gnosticisme, là. C'est ça. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est du gnosticisme. Les affaires de gardien de seuil, pis-ci, pis-ça. C'est pas nouveau, ça. Ça existait déjà. Il y a plus de 1 000 ans, là. En Égypte, c'était les mêmes affaires. Les mêmes thèmes, les mêmes. Donc, on va intégrer quand même des vieilles affaires de même si en plus de 1 000 ans, on n'est pas. Bon. Moi, ça, je trouve pas ça intéressant. Ben, franchement, là. Donc, ils ont nous. OK. Les intelligences qui ont arrangé l'ADN humain, moi. Là, ça devient intéressant. Ça, c'est intéressant. Comme le livre d'Enoch. C'est pas des affaires d'agnosticisme, ça. C'en est une mémoire que des gens ont voulu conserver, puis bon. Je ne crois pas qu'Iso détourne car elle dit clairement qu'elle parle de la gnose. Ouais, mais il reste ça. Ben oui, mais c'est comme, bon. C'est parce que là, on n'est pas dans les mêmes sujets pantoute. hein? Donc, c'est quoi ça, là? Moi, je suis pas. Dans le fond, si on regarde. Juste les philosophies qu'il y a, entre autres, dans franc-maçonnerie, puis bon. C'est ces affaires-là aussi. En tout cas, le sage pointe et le fou regarde le doigt. Ouais, mais des fois, c'est ça qu'il faut faire. Parce que des fois, celui qu'on pense être sage, il est fou. Parce que des fois, on regarde dans la direction qu'il a le doigt, puis il n'y a rien. Fait que là, il faut se revirer vers le soi-disant sage puis se demander si c'est pas un fou. L'ADN est la clé, oui, je suis d'accord. Iso ouf, une Glenn moderne qui ressemble à une actrice de film d'ado d'Amérique. Je ne l'ai jamais vue. Elle est jolie. Il y a parfois des histoires intéressantes. Ça ressemble à des bonnes femmes. C'est drôle, je ne l'ai jamais vue. Je savais même pas qu'on pouvait la voir. Il y en a une dame là que des fois bon c'est intéressant des fois moi là comme Élodie Amiette bon je veux dire c'est faut apprendre quand même un certain courage hein, quand on se montre physiquement puis comme surtout moi là avec mes couettes là puis bon bon on vient qu'on s'en fout là mais je veux dire des fois c'est pas mauvais d'avoir un certain petit peu de coquetterie. Bon. Mais là, Iso, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Je ne savais même pas qu'on pouvait l'avoir. J'ai été étonné de voir la fascination immense pour Aleister Crowley au Québec, plus qu'ailleurs, ben, du monde en thérapie qui était plongé à fond dans le gnosticisme. Et ben, ouais, c'est assez terrible, ça. Mais ça, je suis au courant qu'il y a en masse des adeptes de Crowley au Québec. Il n'y en a rien qu'en masse. Puis l'Ordo Templum Orientis, il y en a. Il y a même des petites villes qui ont des. Bon. Ouais. Ben, ça montre qu'on a un problème. Il y a un problème. Bon, Aleister Crowley, bon. Ah, que je ne suis pas capable. Puis oui, c'est tout le temps lié à du gnosticisme. Prenez l'autre, là. Samael, l'âme, Tom, VR. Oh, tu sais que je suis pas capable. Désolé, là, si je suis sac. Vous avez un sec récemment. Vous avez un sec récemment. Récemment, je ne parviens pas à trouver. Hein? Gingiviste. Pouvez-vous l'appeler, s'il vous plaît? Je me rappelle pas de ça. Hein, j'ai parlé de ça. Je me rappelle pas de ça. C'est quoi? Qu'est-ce que ça pourrait être? Je pourrais pas dire, mais vous avez du mal à me comprendre, là. Clémentine Pomme, il me semble que vous êtes quelqu'un que je connais en plus. Bonjour Berthold, bonjour à tous. Ma première fois sur le chat. Bon, ben, bonjour à vous. Donc, non, tout ce que. Ben, franchement, là, tout ce qui touche au gnosticisme, là, c'est pas pour ostraciser personne, mais personnellement, moi, je suis pas capable. Je suis pas capable, puis ça aboutit tout le temps à des dérives. Puis, bon. C'est tout. Parle-t-il de l'amour infini? Ah, vous parlez. Ça, c'est une secte des Laurentides, là. Ah, le jansénisme. Les jansénistes. Ouais, ça c'est lié à un théologien qui s'appelait Jean Zénius. Puis c'est une forme de protestantisme qui avait infiltré le catholicisme. Puis ça aboutit jusqu'à en France ce qu'on a appelé comment ils s'appelaient eux autres? Ils ont été interdits par Mazarin. La Compagnie du Saint-Sacrement. C'était du jansénisme. L'affaire, c'est du monde qui mêlait le christianisme avec ce qu'on pourrait appeler des formes. On n'est pas loin du vaudou, là. On n'est pas loin du vaudou. Puis, bon, et c'était, ça aboutit à des choses tellement indécentes que même Louis XIV avait fait placarder une affiche qui disait de par le roi, interdiction à Dieu de faire miracle en ce lieu. Il faut le faire, là. Pourquoi? Parce qu'il y avait du surnaturel autour de ça. Mais le jansénisme, à un moment donné, il faudrait. Ben, vous pouvez vous informer par vous-même. Ça commence avec. Moi, je vous dis que c'est une forme de protestantisme qui a infiltré des catholiques. Puis la grande base de ça, c'est la même chose qu'on retrouve chez certains protestants, puis qui fait qu'ils agissent d'une façon aberrante. C'est la doctrine de la prédestination. Puis la doctrine de la prédestination, ça fait que, genre, comme je vous engage comme employé, puis j'ai le droit de vous humilier, puis de vous battre, là, parce que si vous êtes mon employé, puis que moi j'ai les moyens de vous employer, ça veut dire que c'est Dieu qui a voulu ça. C'est-à-dire, tout est la volonté de Dieu dans le jansénisme, ça fait partie de la doctrine de la prédestination. Ça aboutit à des choses aberrantes. Aberrant, vraiment. Bonjour, prévois-tu de commenter la présentation de recherche sur sur les représentations systématiques? Merci pour tout ce que tu descends comme information. Je ne sais pas, je verrai. Mais j'en ai parlé pour les I Ching, là, comment je faisais. Donc, bon, là, j'en perds. Je m'excuse, là. J'en perds. Samael Helmgorn, c'est exactement, c'est extrêmement spirituel. J'irais jusqu'à dire, c'est même pire que ça, là. Ok, je m'excuse, j'ai dû en manquer. Bonjour et tout. Pour ça, je vous dis, si vous mettez juste des commentaires, si vous trouvez que c'est nécessaire, parce que je vais perdre, il y en a trop. Donc, bon. Et tout ici présent. Ah, bonjour. Lou, il y a une fille, elle parle des sectes, mais j'ai oublié son nom, l'oiseau manqueur. J'ai parlé une fois d'elle. C'était chez Berthold, je ne sais plus. Ah, aucune idée. Comment se situer et se comporter quand on évolue dans un système, soit une entreprise dont on voit les failles, mais dont on dépend financièrement? C'est du cas par cas, hein? C'est arrivé une personne qui était employée dans un journal qui appartenait à Québecor. Puis, eux autres, ils voulaient faire une espèce de fraude, c'est-à-dire qu'il y a un employé qui n'était plus là. Mais il se splittait son salaire à la gang. Le chef d'équipe, il avait arrangé une patente. Puis elle m'avait dit, moi, je suis pas bien avec ça, je trouve ça malhonnête, puis tout. Est-ce que je devrais dénoncer ça? Puis j'ai dit, ben moi, c'est ce que je ferais. mais je te déconseille de le faire. Mais elle l'a fait pareil. Mais c'est parce qu'on se finit, on se ramasse avec les autres contre nous autres. J'ai déjà été dans un CA que, bon, en tout cas, finalement, je n'étais pas d'accord. Puis j'ai fini par, bon, ça a fini que j'ai fini par m'en aller. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. C'est de l'accrocherie qui mène le monde, que voulez-vous? Tout le monde plonge dans l'agnosticisme que j'ai connu, était dans la drogue dure et finissait par vouloir me faire lire des livres sur l'incantation de démons, puis toute cette marde de. Ben oui, ben. Ben prenez, il y a des liens entre la drogue, puis bon. C'est pour ça, moi, je déconseille le monde qui veulent se conscientiser par la drogue, c'est un piège, là. C'est un piège. Donc, merci encore pour les explications. Ah, ben de rien. Je vois, je comprends la différence entre spiritualité et conscientisation, mais non, angoisse existentielle et mon angoisse existentielle est trop forte pour ne pas me réfugier derrière certaines pratiques religieuses. C'est correct. C'est correct. C'est qu'à un moment donné, bon, l'angoisse existentielle, c'est par ça qu'on se fait, bon. Et à un moment donné, la colère de voir la manipulation qui sort de l'angoisse existentielle devient plus forte que le besoin de se réfugier. Mais là, bon, ça, c'est des processus. À un moment donné, on vient qu'on n'a plus d'angoisse. On n'a plus. Parce que la peur que ça serve à certaines choses pour nous maintenir, puis ça devient plus fort que l'angoisse. Dans les symptômes du contact avec l'esprit, quelqu'un a mentionné le corps physique. C'est-tu quelqu'un pas vécu, 36 ans, cancer, je me nomme Kemp. Kemp, à un moment donné, ils ont injecté quelque chose, vous savez, pour l'imagerie. Puis il a reçu 10 fois la dose, il me semble. Puis pas longtemps après, ça finit en cancer. Ça, c'est ce qui m'a été rapporté. Mais Kemp, je vais être franc avec vous autres, je suis rendu pas mal plus critique que je l'étais. Pourquoi? Parce que l'affaire, les groupes des chefs, puis le dôme, puis ces cossins-là, je vois plus ça du même œil, mais moi, je n'étais pas au courant de tout ça. J'étais pas au courant. Il fait-il une différence entre Kemp et BDM? Ben oui, c'est pas pareil. C'est pas pareil. BDM, je le vois vraiment comme un chercheur. Un chercheur, même il tâtonnait des fois, là, j'ai l'impression que c'était à tâtons, puis comme un scientifique. Puis Kemp, je ne le sais pas, je ne saurais pas comment le définir, c'est un peu un chercheur aussi, mais c'est autre chose. C'est autre chose. Il y en a qui disaient qu'il avait été séminariste de Bernard, mais il m'a été rapporté qu'il n'y est pas resté longtemps. Il est resté, ils sont. Mais bon. Je me suis procuré un livre sur le bruit et la musique de Attali. Ah, ouais. Un outil pour contrôler la population me fait penser à Kim qui a parlé de la musique moi. BDM aussi en a parlé. Moi, maintenant, ça m'agresse, toute musique. Dès que je vais à l'épicerie ou à la pharmacie, puis nous mettre la maudite musique, je deviens en colère. Je deviens en colère parce que je le sais que c'est là pour provoquer un état second. Puis, bon, on est porté à plus acheter. Entre autres, on vient sur le pilote automatique par la musique. Regardez dans le vaudou, les tambours dans le vaudou, là, qui est, bon, c'est des rythmes syncopés. C'est fait pour provoquer des états seconds. Bien, c'est un petit peu ça, la musique dans les lieux publics, là. Puis, Bernard, il avait dit, la musique, ça va devenir une drague. Bien, je suis rendu que je suis plus capable. Je suis plus capable aucune musique, là. Aucune. Bon, en tout cas, le bruit est de plus en plus insupportable dans mon coin. Ouais, ben c'est de la pollution sonore. Les nouvelles lumières qu'ils mettent, là, que c'est des LED, là, moi j'entends un sifflement. Ça fait un son que j'aime pas. Disons qu'il est sain de s'interroger sur la théorie de la divinité que nous avons intégrée. Hein? Intégrée de la divinité. En tout cas, c'est pas de ça que je parle. L'attachement à la religion, c'est un peu comme le syndrome de Stockholm. À un moment donné, il y a un retournement contre les contrôleurs. Ouais, ça dépend tout le temps quoi on parle. Je ne suis plus capable d'écouter de la musique. Je vois trop la programmation. Ouais, ben moi, c'est tous les états différés là, de conscience que ça peut engendrer, là. Je suis plus capable. Je suis vraiment tanné, là, ça descend. Puis bon, juste la musique dans les publicités, c'est tout le temps agressant. Vous avez une émission de télévision, puis là, après, on tombe sur la publicité. La publicité, le volume est beaucoup plus fort. Voyons, là, si on est capable d'ajuster notre volume nous-mêmes. C'est quoi ça? Quand on fait nos courses, il faut mettre les bouchons dans les oreilles. Ouais, mais là, c'est parce qu'il faut aussi, faut pas se couper de ce qui se passe autour non plus, là. J'en connaissais un, il est mort de même. Il n'a pas entendu une voiture arriver, puis bon. Mais c'est clair que Kemp avait terminé une conférence de Bernard dans une genre de conférence duo, en tout cas selon des rumeurs. Ah, ouais. Ah, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça, ça serait intéressant. Semble des rumeurs. Une conférence duo, en tout cas, semble des rumeurs. OK, il semble des rumeurs, moi, parce que c'est horrible de faire des commissions avec Cœur de Pirate ou Ariane Moffat qui délire. Ben oui, moi non plus, je suis plus capable. Je suis plus capable, là, Fatmo puis l'autre. Mais bon, j'ai jamais été capable de toute façon. Mais non, c'est fatigant. C'est fatigant. Moi, avoir un commerce, il n'y en aurait pas de musique. Voyons, là, on n'est pas là pour ça. En Belgique, ils commencent à mettre 2 heures sans musique dans certains magasins pour respecter les autistes et les hypersensibles. Ah, ben, c'est le fun, ça. Dans le sens que ça donne envie de prendre ça comme excuse puis dire, hey, là, vous respectez pas les. Peut-être qu'ils vont arrêter. Mais là, après, ceux qui ont aussi des troubles nerveux, entre autres, puis tout, ils vont aller faire leur commission juste à certaines heures puis être étiquetés, là. Donc, en tout cas, j'écoutais Bernard hier qui capotait sur le fait que 80% des personnes qui écoutaient du rap, c'était des blancs. Ben oui, mais dans le fond, ça vient même pas des Noirs. Je trouve qu'on ne considère pas que ça vient. C'est tous des producteurs. Les producteurs, bon, faut faire attention à ce qu'on dit, hein, sinon on se fait traiter d'antisémite. Dans mon cas, j'ai été élevé témoin de Jéhovah, et là-dedans, durant 35 ans, donc j'ai une overdose de la Bible, je ne peux plus la lire. J'ai l'impression que c'est ça leur but, eux autres. C'est comme tout le monde que j'ai connu qui était traîné à l'église quand il était enfant, sont plus capables, ils veulent rien savoir. Puis des fois, je me dis, ben, il est là, elle est là, la récupération. Quand ils venaient des témoins de Jéhovah chez moi, d'habitude, ils venaient une fois. Je leur montrais tout le temps la tombe de Charles Taze Russell, puis je leur disais, pourquoi il est enterré en dessous d'une pyramide maçonnique, votre fondateur? Ils sont pas au courant. Ils sont pas au courant de ça. Ben là, ils n'ont pas le droit de lire, sur rien. Ils n'ont pas le droit de jouer aux échecs, ils n'ont pas le droit de manger du boudin, ils n'ont pas le. Voyons, là, ils n'ont pas le droit de lire de la philosophie. Ils ont juste le droit de lire la Bible. Il y a de quoi faire un overdose. Il y a de quoi faire un overdose. En tout cas, bonjour, demain, je viens d'arriver. Ben, vous pouvez copier en haut le lien, puis vous l'écouterez en différé. La thérapeute devient bouddhiste. Ben, moi, ben, franchement, j'ai un problème avec le bouddhisme. OK? Donc, j'essaie de ne pas en parler. Je ne suis pas fan. Ben, c'est bon. Oui, ça enfonce la Bible dans la gorge bien profondément. Cogner à des portes m'a traumatisé. Ben oui. À un moment donné, il y en a des témoins de Jéhovah, puis je leur avais crié par la tête, je dis, vous voulez pas qu'elle rouvre la porte. Vous espérez qu'elle rouvre pas. Puis, en tout cas, il avait changé de couleur. Vous avez peur qu'elle rouvre la porte. Ça ne vous tente pas de parler avec le monde. Vous êtes gêné. Vous êtes gêné. Il y a de quoi? C'est pas normal. C'est pas normal. Mais grâce à ça, je suis libre et je m'élève en conscience. Bon. Mais il faut faire attention, pareil. Faut être prudent. Mais moi, à mes yeux, c'est une des pires sectes qu'il n'y a pas. Ben franchement, regardez les salles du royaume. Puis les témoins de Jéhovah ne sont pas au courant que leur fondateur était franc-maçon. Puis les anciens, eux autres, des fois, sont louches en maudit. Je me rappelle, il y en a deux qui étaient venus me voir là, quand j'avais ma maison. Ils ne m'ont pas envoyé n'importe qui. Ils m'ont envoyé des deux anciens, puis c'était spécial. Puis ils étaient habillés que. Ouais, c'était spécial, là, les chapeaux noirs, toute la patente. Puis ils m'avaient tendu la main pour me serrer la main parce qu'ils vont tout le temps essayer. Puis là, ils regardaient ma bibliothèque, puis ils essayaient de voir que je lisais. Puis il m'avait pris la main, le gars, d'une façon tellement bizarre. Même encore aujourd'hui, je considère que ce n'était pas des témoins de Jéhovah. Je ne le sais pas, mais en tout cas, c'était. Moi, je pense que c'était d'autres choses. Là. Il me semble que Russell a des témoins de Jéhovah était un mormon à l'origine. C'est possible, mais les premiers cours des étudiants de la Bible qui est fait, c'est dans un temple maçonnique. Vous vous informerez. Ton opinion sur le jugement à propos des camionneurs à Ottawa, ben, ça a fait exactement comme je m'attendais. Je pense que le juge Rouleau, il est parent avec. En tout cas, vous regarderez ça, là, il y aurait des. Bon, en tout cas, c'est tout le temps de même. Hein, les commissions, c'est là pour noyer le poisson. C'est à ça que ça sert. La thérapeute holistique, chausser le roller et sur la route pour vous vider la tête. Très heureux quand même quand j'apprends qu'il y a des gens qui quittent les Jéhovah. Ils ont un comité pour les histoires d'abus sexuels. Ben oui, parce que eux autres, justement, ils servent la Bible pour dire ben c'est la parole d'un contre l'autre, puis blablabla, bla, puis. Mais là, de moins en moins, là, ils ont de plus en plus. Vu qu'il y a eu des reportages, il y a eu des documentaires, là, de plus en plus, quand ils ont des cas, là, ils vont essayer. Des fois, ils vont voir la police. Mais c'est du cas par cas. Ça dépend quel conseil des anciens qui est dedans, puis comment ils pensent. Mais plus ils sont vieux, souvent, plus ils sont. Je ne crois rien, je suis extrêmement prudente. Quand j'ai su que Russell était franc-maçon, j'étais entouré d'anciens dans ma famille et c'est une gamine. Ben oui. Ben prenez les 12 comiques là, de la Watchtower, tout l'argent qu'ils rentrent là-bas, puis. À un moment donné, il avait construit une grosse villa, puis c'était parce que le prophète Élie s'en revenait. Ben oui, puis en attendant, on va vivre dedans. Hein. Puis qu'est-ce qu'il y avait et tout? Il disait que Jésus était revenu en 76. Puis voyons, là. Bon, j'arrête avec mon histoire. Bon, pas de quoi, de toute façon, moi-même, il va falloir que je cesse, là, ça fait 1 heure. Ce sont les camionneurs canadiens qui devraient porter plainte. Ouais, mais c'est parce que, bon, ça revient un peu au comité comme les anciens, c'est-à-dire vous portez plainte à votre. Au système qui, bon, je veux dire, il y a un conflit d'intérêts. Oui, le frère à Rouleau est marié avec la sœur à Trudeau père, et voilà. Et voilà. C'est des clics, des gangs. Suzette Trudeau est la tante de Justin et sort avec Pierre Rouleau, le juge, et voilà. Vous vous attendez, c'est pour ça que moi, ben, de toute façon, je m'attends tout le temps, moi, ce que ça sert à rien, ces juges-là, ces commissaires-là. Voyons donc, y avez-vous vu à la face, le bonhomme? Hein? Bon, il a l'air d'une vieille crevette. En 2020, j'ai passé 2 semaines au lit en douleur, mais moi, l'épinière brûlait. Je ne m'en suis pas remise encore. Mon système nerveux est à terre, choc vagal, envoi quotidien. Je suis épuisé, hypersensible. Bon, c'est un petit peu inquiétant. Avez-vous des expériences ou conseils pour calmer le tout, s'il vous plaît? Ben là, vous savez, moi, je suis pas là pour. Je ne peux pas donner des conseils médicaux, là. Donc, bon, mais vous savez, un médecin, ça se magasine. Donc, bon, mais là, ça dépend tout le temps, c'est du cas par cas. Mais des fois, le système nerveux, bon, c'est tellement fragile, dans le fond. Puis, bon, mais je ne peux pas vraiment vous donner des conseils médicaux, là. J'outrepasserai, je n'ai pas le droit de faire ça, là. Mais c'est du cas par cas en plus, puis je ne fais pas de consultation. Donc, le convoi, c'était pour l'instaurer mondialement, que si vous n'êtes pas d'accord avec le gouvernement, vos actifs peuvent être gelés. Ouais. Puis il n'y avait même pas prévu comment qu'on dégèle si. Ils se sont arrangés pour pouvoir geler les actifs des gens, puis il n'y avait même pas prévu comment dégeler s'ils arrêtent tout comportement illégal. Puis bon. En tout cas, je veux dire, on le voit, c'est quoi? Dans le fond, c'est l'identité numérique. Ça va être aussi l'État peut décider ce que vous faites avec vos avoirs. C'est ça qui s'en vient. Tu as évoqué Lalanne récemment. Il s'est présenté aux élections dans ma ville. Il représente quoi selon toi? Moi, je n'ai pas confiance. Je n'ai pas confiance en cet homme-là. C'est lui qui a amené. Bon, en tout cas, moi, je vous dis juste que je n'ai pas confiance, c'est tout. Joseph Smith a aussi fréquenté les francs-maçons d'ailleurs. Au temple, il y a des signes particuliers à faire similaires à ceux des francs-maçons. Oui, toutes ces sectes-là qui viennent des États-Unis, que ce soit les Mormons, les témoins de Jéhovah, c'est tout en haut, là, je parle, les adeptes sont pas au courant, là, mais en haut, là, c'est tout franc-maçonnique à la base, tout le temps. Puis prenez, regardez Les églises mormones en Utah, c'est impressionnant, c'est énorme. C'est tellement bizarre comment c'est fait en dedans. Toutes des petites pièces, puis bon. Moi, j'ai bien de la misère avec toutes ces affaires-là qui viennent des États-Unis. Ben, il y a de la misère. Donc, bon, il y en a que je trouve sympathiques, comme les Ménonites, mais bon, il y a des Suisses et des Allemands, c'est pas la même affaire, là. Comme les Amis, je les aime bien pareil. Mais il reste que, bon, en tout cas, bonjour, merci de faire des lives, j'arrive un peu tard, mais bon, ben, vous réécouterez en différé parce que je vais cesser, ça fait 1 heure, puis là, je vais lire les derniers, là, mais là, il va falloir que je déjeune de la musique pour le système nerveux. Ça m'a beaucoup aidé. Oui, mais là, ça peut porter à penser que il y avait quelque chose peut-être de psychosomatique. Que penses-tu des mouvements sociaux en France suite à la loi des retraites? Oh, ben c'est les gilets jaunes. Ça recommence d'une certaine façon, dans le sens que agiter le peuple pour s'en servir. Qui disait ça? En plus, lui, ils ont donné l'absolution avant qu'il meure. C'est lui qui avait fait les listes pour confisquer les biens de l'Église. Donc, bon, hein? Ça se ressemble tout. Mais agiter le peuple avant de s'en servir. Ben oui, moi, je trouve que ça fait partie. On antagonise. Hein? Un jour, ils sont venus frapper chez nous quand j'étais enfant et je me suis demandé de haut de mes 7 ans, c'est qui ce Jéhovah? Moi, ben, c'est une façon de diviser, hein, de changer le nom. Ben, bon, merci Bird pour ce live. Tu sais, une très belle découverte pour moi. Ah ben, merci à vous. Il venait cogner chez moi, j'avais 15 ans environ, et les témoins ne se gênaient pas d'essayer de m'endoctriner, même si mes parents étaient absents. Ah oh, ouais. Ben, franchement, moi, je suis toujours surpris de voir à quel point il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. J'ai habité dans une ville qui n'était pas une grande, grande ville. Il y avait 3 salles du royaume. Il y en avait trois adresses différentes. Je me dis, voyons, il y en a donc bien. Il y en a donc bien. Puis en plus, souvent, pour avoir jasé des fois avec eux autres, ils n'encouragent pas d'aller à l'université, par exemple. C'est souvent des métiers de prolétaires que les gens ont. Puis on voit que c'est des ouailles gardées dans le bas d'une structure. Puis bon. En tout cas, je ne cherchais plus. Et j'ai récupéré. Je ne marchais plus. Ah, OK. Ah bon. La méditation, scan corporel sur YouTube pour douleur. Ah oui. Faites bien attention parce que, bon, il y a beaucoup d'affaires, je trouve, sur YouTube. Puis dès que c'est des pratiques, bon. Bon, en tout cas, des fois, des exercices, j'en avais vu qui étaient dans des histoires de. C'était quoi, donc? C'était de l'espèce d'hypnose régressive, puis j'avais regardé ça. Tyrell, franc-maçon, moi. C'était un anglophile, Tyrell, puis il était dans les clubs anglais. Puis quand il a su que ça allait brasser à cause de la Révolution, il s'est sauvé en Angleterre. Hein? Puis dès que ça commençait à se calmer, puis qu'il pouvait. Il est revenu. Maudit bon rien. Il y en a un, à un moment donné, qui me disait, c'est quand que l'heure va être vraiment grave, là, en France? J'avais dit, surveille Jacques Attali. Le jour où il se sauve, le jour où il se pousse, là, c'est parce que ça va brasser, mais bon. En tout cas, je suis de retour à l'école à 37 ans. Mieux vaut tard, effectivement. L'école est découragée, pas à peu près. Ben oui. Tout ce qui est lié, à une intégration individuelle, puis à de l'individualité, je veux dire, pas au sens de l'individualisme, au sens pas du développement personnel non plus, mais au sens d'un épanouissement normal de l'individu. Donc, dès qu'il y a un empêchement ou un découragement à ce niveau-là, ça veut dire qu'il y a un détournement de l'énergie. Parce que les gens qui s'instruisent vont être souvent portés à sortir. Ils le savent. Donc, c'est à faire attention, là. Préparez-vous, les petits gris et les petits verts, ils vont venir le 24 février avec la montgolfière, moi, les ballons chinois. Bon, moi, il va falloir que je cesse. En cas vu d'Europe, nous comprenons mal l'extrémisme et la violence de l'État canadien. Ah ben, pourtant, c'est très insidieux, hein? Très insidieux. Mais moi, la violence du système, ça fait un bout, là, que j'ai eu affaire une couple de fois. Mais bon. On vient que. Même maintenant, on est blacklisté. Hein? Aujourd'hui, là, je ne fais plus confiance à rien, rien, rien. Comme les juges administratifs. Les juges administratifs. sont toutes spéciaux. Mais si un jour ça vous tentait de faire une vidéo ou vous informer sur les différentes religions, j'ai pas vraiment à faire ça. Je peux pas me permettre de faire ça parce que là, bon, hein, ça me serait me créer des ennemis, là. Pas à peu près, là. Personnellement, je trouverais ça grandement intéressant. Je trouve qu'il y a une confusion majeure. Ouais, justement, mais c'est parce que là, je veux pas chercher le trouble non plus, là. Mais je peux vous dire que il y en a plusieurs que j'ai de la misère avec. De la misère avec. Puis bon, c'est pas grave, là. J'ai pas. En tout cas, curieusement, lors de gros cataclysmes, même naturels et haut placés ne sont jamais là. Ben. Ouais. Ben, ça dépend, là, mais ouais. Tu parlais que tu attendais après le 24 février. Pourquoi exactement? Pourquoi? Ben, parce que, bon, on verra. À cause de la gang d'ésotéristes qui attendent de plein de cossins, là. Puis, j'y crois pas vraiment, mais je pense que, possiblement, que peut-être qu'il s'en vient une opération militaire. Mais là, moi, que je considère comme militaire. Mais bon, on verra. Mais peu importe ce qui arrive, je considère que c'est de la manipulation. Puis quand j'avais une quinzaine d'années, donc ça fait longtemps, j'avais fait un rêve sur ça, où je me promenais en bicyclette dehors, puis là, tout d'un coup, je voyais la mère de mon père avec ma mère, puis un petit chien que j'avais dans le temps à l'époque, mais habituellement, dans mes rêves, le chien me symbolise moi. Puis il était dans un escalier, puis là, tout d'un coup, il y avait des machines vraiment impressionnantes dans le ciel. Puis Darwin ou création, ça, là, c'est de la polarisation. C'est de la polarisation dans le sens que les gens ont été conditionnés à penser d'une façon littérale que c'est soit tout un, soit tout l'autre. Alors qu'on est dans de l'espace-temps, puis bon, il y a des lois de ça. C'est pas tout un ou tout l'autre, là. C'est plus subtil que ça, dans le sens que, bon, c'est pour ça que moi, je polarise pas entre créationniste et darwiniste. À mes yeux, c'est un faux débat. Mais bon, dans mon rêve, il y avait des machines dans le ciel vraiment impressionnantes. Puis j'avais dit, j'étais tout énervé, puis j'avais dit vers ma mère, puis ma grand-mère, j'avais dit, c'est les extraterrestres. Puis il y a une des deux, je me rappelle plus laquelle, qui m'avait écrit, je suis pas sûr. Je pense pas. Puis je m'étais réveillé. Puis je m'en suis tout le temps rappelé. Ici à Maronite, église presbytère, des presbytériens orthodoxes anglicans, témoins de Jéhovah, plus de sectes de temple solaire, la totale. Ben oui, mais les Laurentides. À un moment donné, il faudrait parler les liens entre les montagnes puis l'astral, puis certaines choses. Pourquoi que c'est dans des choses comme ça, comme il y en avait une aux États-Unis, là, qui est une secte assez spéciale. Eux autres, ils étaient en Californie. Ça, c'est la feuille de Santa Andreas, puis tout. Il y a aussi des liens. C'est au niveau de la géomancie. Puis après, ils sont déménagés où? Dans les montagnes du Colorado. Mais bon, l'Église catholique a été fermée. Ah oui. Ben, il y a une guerre contre l'Église catholique depuis longtemps. Bon, ben, tu sais, ils sont pas mal à terre. Cette valeur, c'est dommage, mais bon, de toute façon, ça a été entre autres attaqué de l'intérieur. Bonjour de Belgique, de la part de Elana et Kevin. Ah ben bonjour à vous. Moi, je vais devoir cesser, je vais lire les derniers, là. Je sens que c'est tout à fait une autre chose qui passerait. Oui, moi aussi. Mais il reste que je suis pas une référence parce que, dans le fond, moi, j'ai confiance en rien. En rien, pas en tout. Dans le sens que, bon. Dernièrement, il y en a un qui me parlait du ben oui, mais là, dans le supramental, blablabla, vous vous servez les chocs, blablabla. Quand il y a eu de la programmation par rapport à des chocs, des fois, ça prend des autres chocs pour le défaire. Là, je parle au niveau pratique, pas au niveau supramental, comme une doctrine, là. De toute façon, c'est de la recherche, dans le fond. C'est vraiment de la recherche, puis bon, il y a beaucoup de ton partage, c'est une belle découverte. Bon, ben merci à vous. Bonjour de Bromont. Ah oui! J'en connais un dans votre coin. Bonne journée, Bert, et tous les allumés. Ah oui, bon, on va déjeuner. OK. Merci pour ce moment passant en ta compagnie. Bon, ben, bonjour à tous. Bonne journée. Merci de ta présence. Ah ben, bonjour, Isia. Dernièrement, il y a des gens qui me demandaient si je pouvais faire une cagnotte, puis j'ai dit, allez faire des dons à Isia ou David. Bonne journée.